choses à ma façon. Les choses à ma façon. Les choses à ma façon. Les choses à ma façon. Jusqu'à ce qu'on monte. Jusqu'à ce qu'on monte. Au micro, discours émargé comme sur un écran. Dès l'intro, tu sens la tension monter d'un cran. T'entends, moi je suis rentré en tant qu'intrus. Quand je repars, accusé d'avoir éventré l'instru. Je rappe avec le cœur, pas pour me baigner dans le jacuzzi. Mes faces rentrent dans ta tête comme les balles d'un Uzi. Je veux pas finir ma vie taffée dans une usine. Je visine, big bâtard à palper en m'amusant easy. La crise d'hystérie, je vais te la faire friser. Quand je vais prendre le mic et que l'instru, je vais te la briser. Laisse ma place est passée posée, je dédicace. Les MC qui ont des choses à dire, les DJ efficaces. Rap tout rebeu, renoir, ça va rouiller à la baisse. J'voudrais pas être vulgaire, mais y'a pas d'autre mot, la prod je la baisse. J'la mets à l'aise, votre casse plif, petite lumière ta misère. Arsène, MC avec El Hugo sur lequel t'as pas misé. T'as mal visé, j't'ai trompé de cible. T'as cru que j'allais fermer ma gueule et rester docile. Pas possible, kicker ça, c'est mon feu qui est sous une haine. ARSL, maintenant tu sais c'est qui. Je ferai les choses à ma façon. Les choses à ma façon. Jusqu'à ce qu'on monte. Jusqu'à ce qu'on monte. Je ferai les choses à ma façon. Les choses à ma façon. Jusqu'à ce qu'on monte. Première immersion. Je suis pas ta nouvelle star, ni l'incroyable talent. Intro, pied marteau, tu vas goûter le talon. T'as fait 2-3 gardaves, mais rien que tu parles du ballon. Tu connais quelques têtes et tu crois que t'as le bras long. Tu veux faire des clips avant d'avoir des sons carrés. Tu crois que t'avances dans le bon sens, mon secret t'es égaré. Tu voudrais percer tout cramer, prendre de l'altitude. Si tu tapes pas ta plume, comment tu veux que ton texte titue. T'as fait chaud quelques grammes, tu parles de l'autre son. En vrai t'es tout calme, dans tes couplets tu fous le boxon. T'as fait quelques pifs et tu te prends pour un gros chroma. Trop de faux mecs, le rap français va vraiment trop mal. Tu commences à percer à la sueur de ta gorge. On t'a dit oui mais faut que tu suces, t'as dit ok d'accord. Tu prétends que c'est du lourd, que tes couplets découpent. Écoute, écoute, c'est le cerf, tu disparais tout à coup. Première immersion. Première immersion. Que je glisse, que je déconne et que je dérape. Ne compte même pas, juste la goutte de vodka qui fait déborder le rap. Il voudrait que je chute, me voir crever la gueule ouverte. Au fond c'est ça qui me motive, bouillant, je vais faire péter le couvert. Il trouve tout ça trop gris, voudrait plus de couleur. La poisse, je croise tellement souvent que je dis à tout à l'heure. Il critique, insulte, on s'en tape des commentaires. Je m'en tape, je ferai les choses à ma façon jusqu'à ce qu'on m'enterre. Ils veulent du son qui bouge et des refrains dansants. Je préfère des couplets qui découpent et des oreilles en sang. Et des oreilles en sang. Arsène MC. Arsène MC. C'est Paris.